Ses œuvres parmi les peuples. Chantez, célébrez-le, racontez toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Il se souvient toujours de son alliance, de la parole donnée pour mille générations. Alliance traitée avec Abraham, serment juré à Isaac. Il en fit un décret pour Jacob, une alliance éternelle pour Israël. Il est fidèle à sa promesse, il est fidèle à son serment. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Il frappa l'Égypte de plaies redoutables et fit sortir son peuple avec joie. Il leur donna les terres des nations afin qu'ils gardent ses prescriptions.